Ouais. Pour tous les fils de qui viennent nous serrer la main, qui guettent du coin de l'œil. Gros dealer. Fils de la bac. C'est pareil à des fils qui guettent du coin de l'œil. Dealer, gros, on a rien pour eux. Baisse tes yeux, t'es vicieux comme un prêtre. Pas trop comme une guêpe. Ah, tu parles mal, mais en face, tu jures sur ta tête. Dès que tu nous vois, c'est de la pisse qui roule ta braguette. Prends pas la grosse tête quand t'as réussi à vendre en plein arrêt. Qui joue les hommes avec une paire de loups bien épaisse. Mais c'est dans le feu de l'action qu'on remarque qu'il n'y a que de la graisse. Coméra comme ça, préparez-vous à nous déteste. Y'en a qui portent l'œil, mais c'est pas grave, c'est juste un crash test. Test mon gang bang, Coméra boys et gay porte flingue. Trop nos styles le rendent. Tu veux mon flow, achète-le à Sarajevo. Tu me détestes à mort, mais t'as trop kiffé trop ghetto. Comme il dit, du CP, on a tête ça. On relance le jeu, alibi, on va tête ça. Tu me guettes, tu coins de l'espèce de putain. Ne me serre même pas la main si tu veux pas te faire t'aimer. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? L'équipe qu'on a rien à foutre. C'est nous tu guettes du coin de l'œil, boy. On a fait son encore, c'est du mars. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? Une histoire comme le font les stupes. Mais qui tu guettes de... On défouraille sur ta langue de pute. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? L'équipe qu'on a rien à foutre. C'est nous tu guettes du coin de l'œil, boy. On a fait son encore, c'est du mars. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? Une histoire comme le font les stupes. Mais qui tu guettes de... Ils te regardent me dire que t'aimes bien. Hypocrite, mais à la fin de l'histoire on sera quitte. Prends-moi pour un con, parle, balance des fleurs. Tu verras celui qui se fera niquer, c'est toi, j'en ai bien peur. Boom Jack, pour les gros traites, j'ai la contre-attaque. Continue à me faire du sevi, tu prendras la patate. Je te vois, j'ai l'œil du nous voir, c'est le chétan qui t'envoie. Tu diras ceux qui le font tout ça pour mettre ma voix. Et mec, tu penses que ta conquête va toujours faire la coquette. Grosse putain, mais t'es trop belle. Je t'observe à chaque fois que je m'assois, tu te lèves. Quand je mets, toi t'enlèves. Je suis réel, toi tu rêves. À connerie, tu penses réussir avec la bouffonnerie. Dans tous les domaines, ceux qui durent font tous de la bougie. Alibi, voice, caméra, salope, enlève ta caméra. Radar, record, record, record, qu'est-ce qu'il y a? Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? Équipe qu'on a rien à foutre. C'est nous tu guettes du coin de l'œil, boy. Sors dans le corps, c'est du mars. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? Stun comme le font les stupes. Mais qui tu guettes de... On défouraille sur ta langue de pute. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? Équipe qu'on a rien à foutre. C'est nous tu guettes du coin de l'œil, boy. Sors dans le corps, c'est du mars. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? Stun comme le font les stupes. Mais qui tu guettes de... Tous ces yeux sur moi, c'est Boma et mon gueule, espèce. Et là où pense décidément, c'est assez dément ce qu'on a semé. Le seum contre des putains négros et des putains bigo. À croire que je suis coté comme une go qui kiffe le doggy boy. J'observe que tu gagnes du coin de espèce de pain du souf. Ne me serre pas trop la main, je suis d'humeur fils de chien. Du louche, envers moi t'as l'esprit assombri. Pour moi, à croire que je te trégare pas, même quand je suis pas trop sot. Boy, tu te dis les yeux fixés où t'as les tiens. À part si sincèrement c'est ma liste que tu voulais un, tester un. C'est même pas la peine, mais vas-y, essaie. Combien de batailles de négro ont voulu tester? On finit blessé. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy? La putain de menace record, la putain de Coméra boy. T'es déjà mort, mais tu le sais. Ta dernière vision m'a MOV et GLC. Mais qui tu guettes du coin de l'œil, boy?